Mélissa, Mélissa, Mélissa, Mélissa, Mélissa, ma beauté d'Ibiza, Mélissa, bonne comme la harissa, oh, Mélissa, une beauté rare comme je n'en ai jamais rencontré, Mélissa, je voudrais tant que tu m'embrasses demain matin. Wow. Wow. Mélissa, Mélissa, et l'amour se glissa. Mélissa, fais-moi l'amour, fissa. Oh, oh. Mélissa, tes petites jambes, ta mèche et tes yeux bruns, ton pull en neige. Je pleure car je t'aime, Mélissa. Wow. De la Moselle, où la vie sera belle. Nous serons tous deux heureux, rien que nous deux, peu nerveux, mais rien que nous deux. Et puis nous serons trois, d'abord il y aura toi, et puis il y aura Lou, notre enfant que tu porteras. Et puis il y aura moi, ma barbe et mes gros bras. Le bonheur existera, il s'appellera Mélissa, oh Mélissa.